cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La naissance des partis politiques. En 1842, paraît un dictionnaire politique. Il est publié par Eugène Duclerc et Panière. À l'article « Parti », nous pouvons lire qu'il ne faut pas dire que l'existence de plusieurs partis dans l'État soit une chose désirable et qu'il faille se réjouir de leurs dissensions. Les factions sont les maladies du corps politique. Parti, le parti des princes, le parti du Parlement et le parti. Parti politique, souvent suspect, le mot « partisan » est un tantinet péjoratif, une histoire d'amour, une histoire de méfiance, méfiance et amour française face aux partis politiques. Michel Vinocq, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. À quel moment dateriez-vous la naissance des partis politiques au sens où nous l'entendons aujourd'hui ? Il est incontestable que la loi de 1901 sur les associations a été décisive. Parce que par cette loi, les partis politiques sont devenus légaux, sont devenus des personnes juridiques et officielles. Ce qui ne veut pas dire que les partis politiques n'aient pas existé avant 1901. Mais vraiment, les partis modernes, avec un bureau, un président, avec une centralisation, une certaine hiérarchie de fédération, avec les cotisations des militants, tout cela, ça date du 20e siècle, du début du 20e siècle, avec notamment la naissance du grand parti de l'époque, qui est le Parti radical, en 1901. Mais vous le dites dès le début, et c'est une évidence, ce n'est pas en 1901 que d'un coup la vie politique change parce qu'il y a une loi sur les associations. Il faut remonter auparavant. Le moment de la Révolution française est essentiel dans cette histoire. Oui, c'est capital parce que, tout d'abord, pour deux raisons. La première, c'est que c'est sous la Révolution, en 1789, qu'apparaissent les notions de gauche et de droite, qui est capitale de notre histoire politique. C'est à propos du veto royal. Une partie des députés soutiennent le veto royal que le roi peut mettre donc sur les projets de loi, et c'est la droite. Ce sont des députés qui se sont regroupés du côté droit. Et au contraire, ceux qui sont opposés au veto royal se sont regroupés du côté gauche. Et puis, la Révolution va montrer tout au cours de son évolution, elle va ouvrir l'éventail des grandes tendances politiques. Il va y avoir un centre qu'on va appeler le Marais. Il y aura une gauche et une gauche avec les Girondins, extrême gauche les Montagnards, une ultra gauche avec les Babouistes, et puis à droite vous aurez les Monarchiens qui défendent une royauté constitutionnelle, et puis une droite extrême qui devient une extrême droite, les contre-révolutionnaires qui vont fournir le grand lot des émigrés. Bon, donc la Révolution, c'est vraiment la naissance des débats politiques, des passions politiques et des divisions politiques. Mais en même temps, et vous avez fait tout à l'heure une citation qui date de la monarchie de Juillet, mais dès la Révolution, en voici une qui montre la continuité d'une défiance vis-à-vis des partis. C'est Saint-Just qui dit quoi ? Tout parti est criminel parce qu'il est un isolement du peuple et des sociétés populaires et une indépendance du gouvernement. Toute faction est donc criminelle, parce qu'elle tente à diviser les citoyens. Toute faction est donc criminelle, parce qu'elle neutralise la puissance de la vertu publique. La solidité de notre République est dans la nature même des choses. La souveraineté du peuple veut qu'il soit uni. Elle est donc opposée aux factions. Toute faction est donc un attentat à sa souveraineté. Vous voyez, il y a l'idée de la volonté générale et Saint-Just dit par ailleurs, la volonté générale est indivisible. Vous voyez cette idée, qui est contraire, évidemment, à l'idée d'une vie politique organisée avec des tendances, ce n'est pas le cas. Et pendant très longtemps, par conséquent, à partir de la Révolution, on va se défier des partis. Et ce ne veut pas dire pour autant que la vie politique n'existe pas. Mais autrement, autrement. Vous avez utilisé à Michel Vinocq d'autres mots, vous avez parlé de tendance politique. Si nous aimons l'histoire et si l'histoire est essentielle, c'est qu'elle aide à comprendre le présent. Et aujourd'hui, nous sentons bien que dans notre monde politique, la notion de parti est extrêmement contestée. D'ailleurs, on le voit au résultat des élections et c'est très pertinent de nous montrer que cette histoire-là, cette histoire des idées, s'écrit sur le temps très long. Le 19e siècle est un siècle qui se méfie de la notion de parti. Mais voyez le général de Gaulle, qui était tout à fait adversaire du système des partis. Il avait un grand mépris pour les partis. Son mot à lui, c'était « rassemblement ». Cette idée d'une union. Alors lui avait vécu l'union sacrée pendant la guerre, et à ses yeux, comme aux yeux de Saint-Just, c'est assez étrange de montrer un De Gaulle qui serait dans la filiation de Saint-Just, mais sur ce terrain c'est le cas. Eh bien, pour lui, les partis fractionnaient précisément l'unité nationale. Et du reste, même à la Chambre, même à l'Assemblée, le député, avant de devenir membre d'un groupe, d'un parti spécialisé, identifié, il est avant tout un homme seul et qui doit agir et voter selon sa conscience. Et c'est pourquoi ce qu'on appelle la discipline de vote, qui est le propre des partis organisés, il a fallu attendre très longtemps. C'est la gauche socialiste qui l'a créé, cette discipline de vote. Sinon, vous voyez le parti radical qui est le plus grand parti vers 1900, eh bien le parti radical voit ses membres se disperser sur les projets de loi. Certains même votent contre leurs propres confrères de la même organisation. Donc, le cheminement vers l'organisation, la structuration de la vie politique a été très très lent. C'est vrai qu'au 19e siècle, au moment des élections, il y a des élections pour les députés, bien souvent c'est l'individu qui porte alors une idée qui se retrouve dans, on va parler quoi, de famille politique. Parce que au moment de réfléchir aux partis politiques, il y a cette idée d'organisation et d'association. Et pour le 19e siècle, là, nous avons des lois qui limitent la possibilité de s'associer. Oui, le code pénal interdit toute association de plus de 20 membres. Mais naturellement, on tourne la loi. Parce que à partir du moment, 1848, où le suffrage universel a été établi, alors on dit suffrage universel masculin aujourd'hui, bien sûr, mais à l'époque c'était le suffrage universel tout court, puisque la tradition voulait que les femmes étaient exclues de la vie politique. Mais c'était pas rien. On passe d'un électorat de 250 000 électeurs à 9 millions d'inscrits. Vous vous rendez compte, c'est un saut énorme. Alors évidemment, il faut organiser les élections. Et ces élections ne se font pas, encore une fois, par des partis, mais très localement, régionalement, dans les circonscriptions. Et là se crée, et c'est aussi un héritage de la Révolution, des comités. Des comités locaux. Quand on vote au département, c'est arrivé une fois en 1885, sur scrutin de liste, ce sont des comités départementaux. Sinon, c'est dans les arrondissements, puisque le mode le plus courant de suffrage sous la Troisième République, c'est le scrutin qu'on appelle d'arrondissement, dont on a hérité aujourd'hui. Uninominal à deux tours. Alors, qui va être candidat? Comment va se passer la campagne électorale? Eh bien, dans chaque circonscription, vous avez un comité qui s'est constitué par cooptation. Ce sont souvent des notables, des élus, des conseillers municipaux, etc. Ils sont appuyés alors à gauche, par exemple, par les francs-maçons, les loges maçonniques, par des associations diverses. Bref, vous avez là quelques dizaines de personnes qui forment un comité qu'on appelle parfois congrès et qui vont désigner le candidat. Bien. Et une fois que le candidat est désigné, il laisse la main à un autre comité, souvent ce sont les mêmes personnes, un comité électoral qui va soutenir le candidat à tout point de vue. Financièrement, mécaniquement, les campagnes vont se faire par voie d'affiche, par déplacement, par réunion, très important. La vie démocratique se réveille vraiment avec les réunions publiques. Ces réunions, elles sont de deux sortes. Vous avez les réunions qui sont faites précisément pour présenter un candidat, son programme, c'est une réunion électorale. Mais vous avez aussi les réunions au cours desquelles les élus rendent compte de leur mandat. Alors il existe du reste une peinture bien connue de Raffaelli qui montre Clémenceau en 1880 au cirque Fernando, qui deviendra le cirque Medrano à Montmartre. 3000 personnes sont là et écoutent leurs députés qu'ils ont élus un an ou deux ans auparavant. Et Clémenceau leur dit ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire. Et dans la salle, évidemment, les questions fusent, parfois les objections. Et ces réunions qui se passent dans les villages, dans les préaux d'école, etc., qui peuvent avoir lieu à Paris, dans des grandes salles, c'est la vie même de la vie démocratique, sans parti, sans véritable parti politique, vous voyez. Donc ces comités, c'est la base. Il y a un livre du reste de Daniel Halévy, qui date de 1934, qui s'intitule « La République des comités ». Comme quoi, c'est ça la base, les comités. Donc les réunions publiques, et parfois, elles sont contradictoires. Ce qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Bon, à la télé peut-être, mais on réunit, n'est-ce pas, des candidats à une élection qui sont des adversaires devant un parterre d'électeurs qui posent des questions, etc. Vous voyez, donc il y a bien une vie politique, une vie démocratique, mais sans parti. Sans parti, une vie démocratique durant la plus grande majorité du 19e siècle, même tout le 19e siècle, il n'y a pas de parti politique. Vous nous avez dit, Michel Vignoc, les partis politiques au sens actuel, c'est début 20e siècle, 1901, avec l'importance de ces comités en 1848, après la Révolution qui a chassé le roi Louis-Philippe, c'est la Deuxième République, il y a des comités, et attention, il faut élire des députés, formidable, mais une nouvelle forme d'élection, il faut élire un président de la République. Tout France est électeur, quel bonheur, moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous v'las au rang d'homme, ce droit qu'est notre sang, qu'est notre chair, nous coûte cher, or mon cher, nous coûte cher, or mon cher, faut savoir ce qu'on nomme. Sachons bien, élire un homme de bien, craignons bien, prendre un propre à rien. Chanson de 1848, le vote universel. Alors, ce n'était pas le scrutin universel, mais c'est la même chose, toujours masculin, évidemment. Michel Vignoc, la démocratie est évidemment en lien avec cette réflexion. Au-delà même de la notion de république, il y a un corps électoral, il y a des élections. Vous nous parlez de ces comités, de ces échanges. Nos ancêtres, au moment de préparer une élection, bien, étaient éveillés. Il connaissait ces sujets-là. Toute cette histoire est liée aussi au développement de l'instruction, au développement de la lecture, du savoir, parce qu'il y a une vraie vivacité de débat. Certainement. Et n'oubliez pas la presse, qui joue un rôle déterminant. La presse est innombrable. Alors évidemment, elle dépend des lois sur la presse. Et on peut dire que au cours de la première moitié du 19e siècle, l'un des grands sujets politiques, c'est la liberté de la presse. Vous avez des champions de la liberté de la presse, Benjamin Constant, par exemple, Chateaubriand lui-même, qui est pourtant de droite, mais libéral. Et vous avez ceux qui redoutent la presse parce que elle est subversive, elle met en danger les pouvoirs, etc. Et du reste, Charles X est tombé, à cause de la révolution de 1830, sur des ordonnances qui remettaient en question la relative liberté de la presse qui existait. Donc c'est capital. Chaque tendance a un journal. Et on pourrait dire, chaque homme politique un peu important a son journal. Des journaux, il y en a partout en France. Locaux, régionaux, nationaux. Et souvent, du reste, c'est le journal qui suscite la candidature. Et c'est autour du journal que va se former un comité. Vous voyez donc l'importance. Et bien sûr, vous avez raison avec le progrès de l'instruction, de l'alphabétisation. Les Français sont de plus en plus lecteurs de journaux. Et puis quand ils ne lisent pas, ils savent écouter ceux qui lisent les journaux publiquement devant les uns et les autres, n'est-ce pas? On se transmet les informations. On n'est pas obligé de savoir lire, autrement dit, pour connaître ce qu'il y a dans les journaux. Donc voilà toute une vie publique qui est très décentralisée. Mais arrive au cours du 19e siècle la révolution industrielle, c'est-à-dire notamment les chemins de fer. Et avec les chemins de fer, l'espace se rétrécit, la communication devient beaucoup plus facile, et c'est aussi un des éléments qui va favoriser la naissance des grands partis nationaux. Et c'est sûr que quand vous voyez quelqu'un qui lit dans le train un journal, le Petit Caporal ou le Journal des Débats, vous savez plus ou moins de quel côté politique il se trouve. Mais Michel Vinocq, il y a au 19e siècle des structures qui existent déjà. Alors vous avez évoqué les loges maçonniques, bien sûr, on pourrait y rajouter l'Église comme une évidence. Alors évidemment, ce ne sont pas des partis, mais ce sont des organisations sociales qui peuvent diffuser des idées politiques. Mais certainement, vous avez toute une série d'associations, donc les loges maçonniques, on vient d'en parler, vous avez des sociétés de lecture, vous avez des associations patronales, des syndicats qui ne sont pas légaux, mais qui existent de fait, vous avez des cercles ouvriers catholiques qui ont été créés par Albert Demain et qui existent, vous avez des sociétés inversement de libre-pensée, vous avez des sections de la Ligue des droits de l'homme, après sa création en 1898, vous avez des sections de la Ligue de l'enseignement, qui est encore une association très importante, il y a le sous des écoles catholiques, mais aussi le sous des écoles publiques, c'est-à-dire des gens qui se cotisent pour défendre l'école, soit l'école religieuse, soit l'école publique. Et puis des associations charitables, des coopératives, des sociétés de secours mutuels. Enfin, vous voyez, il y a tout un tissu associatif qui véritablement maille le territoire. Et de là, cette vie politique qui est tout à fait différente de ce que nous connaissons, nous, aujourd'hui, où tout est organisé à partir des grandes villes et de Paris surtout. Oui, c'est très intéressant là ce que vous nous dites, Michel Vinocq, hein, de territoire, là où vient la vie politique, avec deux combats, le combat pour la liberté de la presse qui traverse le 19e siècle et qui arrive sous la Troisième République à une liberté de la presse, et puis le combat pour la liberté d'association. Là aussi, nous avons ces mouvements, mais nous en connaissons d'autres. Vous nous avez cité une série d'associations, de ligues, le mot a été prononcé. Il y a l'Action française aussi. Alors là, nous sommes à la fin du 19e oui. siècle. Mais qu'est-ce que ces choses-là que des ligues? En quoi ne sont-elles pas des partis politiques? Oui, alors les ligues, en général, qui commencent avec, sous le Second Empire, avec la Ligue de l'enseignement, ce sont des associations qui ont un but précis. Un parti s'occupe de tout, une ligue s'occupe d'une matière précise, en principe. Alors, la ligue de l'enseignement, évidemment, le développement de l'instruction publique, et puis, alors, il y a des ligues politisées, sous l'affaire Dreyfus en particulier, on peut énumérer une ligue qui s'appelle la Ligue des Patriotes, qui est une ligue nationaliste dirigée par Déroulède, le poète Déroulède. Il y a la Ligue antisémitique de Jules Guérin, son nom dit bien ce que ça veut dire. Il y a la Ligue de la Patrie française, très élitiste celle-ci, dirigée par des gens comme Maurice Barrès, Jules Lemaître, etc. Il y a un peu plus tard, ou à peu près au même temps, une Ligue d'Action française qui est monarchiste. Alors, ces ligues sont toutes politisées, mais elles ont au départ un but qui est de défendre une cause particulière. Parce que à côté de ces ligues qui sont très connues et qui sont politisées, vous avez aussi la ligue anti-alcoolique, etc., etc. Vous comprenez ? Donc la ligue, elle est moins structurée qu'un parti. Elle se défend sur une cause précise, mais il lui arrive de passer dans le rôle d'un parti. Je prends un exemple. La Ligue de la Patrie française, au moment de l'affaire Dreyfus, qui a été créé donc par, on pourrait appeler ça, des intellectuels de droite, comme Barrès, Lemaître que j'ai cité. 26 académiciens en font partie, des écrivains, des lettrés. Cette ligue anti-Dreyfusarde mène le combat, d'abord contre la révision du procès du capitaine Dreyfus, et s'oppose aux Dreyfusards. Elle devient une ligue vraiment nationaliste, et lors des élections de 1902, on peut dire que c'est le parti nationaliste. Vous voyez comment d'une ligue on peut devenir. Et l'Action française, qui se bat pour le nationalisme intégral, c'est le retour à la monarchie, n'a pas beaucoup d'importance électorale, parce que c'est pas son terrain, mais dans l'entre-deux-guerres, après 1919, l'Action française aura des candidats et aura des élus. Donc on passe parfois de la Ligue au parti. Et ce qui est très intéressant dans cette réflexion, c'est que la Ligue anti-parlementaire en soi n'a pas vocation à être élue. Oui. Elle est anti-parlementaire, oui. Elle n'a pas besoin d'y être. Mais cette histoire que vous nous racontez, Michel Vinocq, celle de la naissance des partis politiques, est une histoire qui croise celle de la presse, celle de l'organisation politique. Nous avons cité l'affaire Dreyfus, moment important. En 1898, Émile Zola écrit un article. On s'épouvante devant le jour terrible que vient d'y jeter l'affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d'un malheureux, d'un sale juif. Tout ce qui s'est agité là, des mœurs d'inquisition et de tyrannie, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation. Dois-je continuer, monsieur Clémenceau ? Oui, continuez. Non, parce que si vous pensez que mon article engagerait trop la responsabilité de votre journal, je vous demanderai de me le dire avant que je poursuive ma lecture. Mon journal est là pour dire la vérité. Continuez, Zola. Jean Topard et Émile Zola dans le film Émile Zola ou la conscience humaine de Stelio Lorenzi en 1978. Michel Vinocq, le moment de l'affaire Dreyfus est très important et vous nous avez évoqué, là on est en 1898, j'accuse, les élections de 1902. Il y a à ces élections-là déjà des partis parce que nous sommes à cette rupture qui nous intéresse. L'affaire Dreyfus permet l'organisation de partis. Et puis, il y a eu cette loi de 1901. Toutes les conditions sont réunies pour que exactement. Les partis soient là. Voilà. Alors, l'affaire Dreyfus va avoir, dans notre question qui nous occupe, une importance décisive. Parce que elle va d'abord fractionner certains partis et être à l'origine de cette loi de 1901, qui est une loi dont l'intention première et principale est de tenir en main les congrégations religieuses. Car existe en France des congrégations religieuses, certaines sont officiellement reconnues, mais d'autres sont simplement tolérés. Par exemple, les jésuites. Et il se trouve que pendant l'affaire Dreyfus, ces congrégations ont joué un rôle très très fort sur l'opinion, une influence très importante dans l'anti-dreyfusisme, et en particulier La Croix, le journal La Croix, avec toutes ses annexes, de toutes ses filiales de province. La Croix est un journal populaire et un journal qui diffuse véritablement, à ce moment-là, l'antisémitisme, un certain national-catholicisme. Les Dreyfusards, la gauche, les Républicains jugent qu'il faut absolument mettre de l'ordre. Songez que La Croix, par exemple, c'est le journal d'un ordre religieux, les assomptionnistes. Donc, on va créer une loi sur les associations qui a pour effet, notamment, de contrôler les congrégations, c'est-à-dire qu'elles doivent se déclarer, être acceptées, et toutes ne le sont pas. Mais en même temps, cette loi fixe les règles de l'association, de toutes les associations. Et c'est ainsi que les partis politiques vont en profiter. Car désormais, cette loi permet aux partis d'exister officiellement. Elle casse le code pénal qui disait pas plus de 20 membres. Désormais, les partis politiques n'ont pas de limite quant à leur recrutement. Ils peuvent recevoir des cotisations, des subventions, ils peuvent ester en justice, enfin, etc. C'est le parti moderne. Et le premier grand parti qui se crée, c'est le parti radical. Dès 1901, le Grand Orient, donc la Grande Loge maçonnique, pour les élections de 1902, va convoquer pour le 21 juin 1902, eh bien, un congrès qui va véritablement donner naissance à ce qui s'appelle alors, c'est un peu compliqué, le parti républicain, virgule, radical et radical socialiste. Ça voulait dire, toute cette dénomination voulait dire que c'était un rassemblement de toutes les tendances affiliées à l'idée du radicalisme et qui portaient des noms différents. Donc, sous l'autorité de Bourgeois, Brisson, Goblet, et avec 1100 délégués venus de toute la France, se crée le parti radical. Et dans la foulée, va se créer un autre parti, qui est un parti républicain, lui aussi, et qui résulte d'une scission. Et c'est l'Alliance démocratique qui est créée par des hommes comme Waldeck, Rousseau, Poincaré. Très important cela, parce que on va voir naître à ce moment-là ce qu'on appellera une droite républicaine. Jusque-là, la droite, c'était les monarchies, c'était bon, etc. Désormais, nous allons avoir à droite, eh bien, ceux qui modérés, qui s'appelaient opportunistes, puis progressistes, ont fait scission avec le gouvernement de Waldeck-Rousseau, qui était favorable aux anti-dreyfusistes, qui était aussi extrêmement soucieux de la montée de l'extrême-gauche, socialiste, syndicaliste, et qui partageait cette idée que l'esprit nouveau, c'est la formule de l'époque, pouvait les allier aux catholiques de bonne volonté qui s'étaient ralliés à la République. Et c'est ainsi que va naître une droite républicaine qui s'appellera la Fédération républicaine. Et puis à côté de ça, vous avez des catholiques, d'autres catholiques, qui ont créé leur parti, l'Alliance libérale populaire. Et enfin, vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure, un parti nationaliste qui est issu de la Ligue de la Patrie française. Donc, aux élections de 1902, vous avez ce découpage, cet éventail de partis, et c'est le Bloc des Gauches qui l'emporte. Mais vous voyez à quel point l'affaire Dreyfus a été importante. et chez les socialistes aussi, parce que les socialistes, qui ne sont pas encore une très grande force électorale, sont divisés entre les guédistes et les jaurésiens qui veulent s'engager dans le parti Dreyfus, et les guédistes qui disent « laissons ça aux bourgeois, c'est pas notre affaire ». Mais la tendance jaurésienne qui va créer un parti, le Parti Socialiste Français, va adhérer à la majorité du bloc des gauches. Donc il y a une reconstruction véritablement moderne, on peut dire, à partir de 1902. Et la République, la Troisième République, a 32 ans à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a toute cette évolution que vous nous avez expliquée, la liberté d'association, la liberté de la presse, la loi de 1901, il y a aussi des pratiques, et ça c'est très intéressant, les pratiques, parce que il y a cette constitution de parti, et puis pour les individus eux-mêmes, eh bien, il y a aussi des pratiques électorales, témoignages. Ah, le village a été séparé en deux. Alors, il y a même eu des riches propriétaires qui disaient à leur métayer, si vous envoyez les enfants à l'école laïque, je vous fous à la porte. Il y en a qui l'ont fait? Mais tout de même, ça ne s'est pas produit. Parce qu'il y en a qui se sont rebiffés, ils ont dit, nous enverrons les gosses à l'école laïque. Si c'est comme ça, on enverra les gosses à l'école laïque. Alors, je dis d'un côté, ça s'était calmé, et ma foi, c'était arrivé, les curés étaient partis au régiment comme les autres, et ils s'arrangeaient avec les provinciaux. Mais naturellement, les vieilles traditions ont toujours suivi. Vous comprenez, et il y en a encore qui sont pour l'Église, d'autres qui ne le sont pas. Ça a toujours existé, ça existera toujours ça. Ça existera toujours ça. Nous étions en 1978 quand étaient enregistrés des témoignages d'enfants qui avaient connu, en l'occurrence ici, la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État. Dans cette construction de la vie politique, l'Église, nous l'avons dit, a une place considérable. Ah ben, la loi de 1905, ça bouleverse encore l'idée même de parti. Oui, certainement. La loi 1905 est un aboutissement. La séparation de l'Église et de l'État était réclamée par les Républicains depuis très longtemps. Par exemple, elle figurait tout de suite dans les premiers discours des radicaux, si je prends Clémenceau, le plus représentatif. Mais on a retardé considérablement, pour des raisons diverses, parfois tactiques du reste, parce que le concordat, si vous voulez, permettait de contrôler un petit peu l'élection des évêques, etc. Et Émile Combes, qui passe à juste titre pour un champion de l'anticléricalisme, n'était pas partisan de la séparation des églises et de l'État. Et cependant, c'est une vieille idée qui s'est imposée et qui a évidemment provoqué chez les catholiques un rejet. Une partie des catholiques, minorité, était entièrement d'accord avec cette séparation parce que, à leurs yeux, elle offrait beaucoup plus de liberté à l'Église qui n'avait plus à dépendre de l'État. Mais l'immense majorité de l'opinion catholique et le pape lui-même ont rejeté cette loi de séparation qu'ils finiront par accepter à la longue, surtout après la Première Guerre mondiale. Donc la loi de séparation représente, 1905 représente bien l'état d'une société qui, loin d'être unifiée évidemment, est encore terriblement partagée par la question religieuse. Et vous savez que cette loi impliquait le contrôle des biens des églises. Et ces biens des églises devaient être attribués à des associations cultuelles. Et pour ça, il fallait faire des inventaires dans les églises pour compter le nombre des chandeliers, bon, etc. Et ces inventaires ont donné lieu dans beaucoup de paroisses à des bagarres. Et une fois avec mort d'homme même. Des bagarres entre paroissiens qui se barricadaient derrière la porte d'entrée de l'église et les gendarmes qui voulait faire entrer l'huissier qui devait compter, n'est-ce pas? Et c'est Clémenceau, une fois arrivé au pouvoir en 1906, qui mettra fin, par conséquent, aux inventaires. Donc, c'était un aspect dramatique qui montre la violence de la question religieuse. Et donc, la droite a été largement constituée par cette question religieuse. Et ce qui séparait principalement la gauche de la droite, c'était le cléricalisme et l'anticléricalisme. Le cléricalisme, c'est quoi? C'est l'idée que l'Église a son mot à dire sur la loi, sur l'organisation de la société, sur les mœurs, et par conséquent, le catholicisme prend l'aspect d'une organisation politique. Ce que n'accepte pas l'ensemble des Français, parce que la plupart des Français sont catholiques, ils sont à 95% baptisés catholiques, et quand on parle des catholiques dans ce contexte politique, évidemment on parle du catholicisme politique, militant, et en particulier une grande partie du clergé. Donc, indiscutablement, la gauche, c'est ça, avant tout, la défense de la laïcité. Le mot laïcité date de la fin du 19e, et les laïcs s'opposent par conséquent aux cléricaux. Ça, c'est la grande division. Mais, dans les deux camps, que de division, que de subdivision. Si nous prenons par exemple les socialistes. Parce que 1905, c'est aussi l'année de la création de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, le Parti socialiste. Il a fallu un quart de siècle pour que les socialistes puissent créer un parti unique. Le premier parti ouvrier, vraiment, s'est créé en 1879 à Marseille. Et il y a eu, entre 79 et 1905, un morcellement de la mouvance socialiste, on pourrait dire en groupuscule, en chapelle, qui étaient alliés, qui étaient ennemis, sur quoi ils étaient adversaires. Évidemment, il y a des querelles de personnalité, mais aussi il y a des querelles idéologiques. On est plus ou moins marxiste, on est plus ou moins réformiste, on défend plus ou moins un socialisme municipal. Il y a ceux qu'on appelle les possibiliste, c'est un mot qui montre bien, n'est-ce pas, un projet qui est réformiste, beaucoup plus que révolutionnaire. Et toutes ces tendances se sont sans arrêt entre-déchirées. Au moment des élections, bien sûr, mais surtout, ce qui est caractéristique du cas français, c'est que en 1905, bon, les deux grands partis, Jaurès et Guesde, vont fusionner, d'accord, et un grand parti socialiste est né. Mais ce parti, il est coupé véritablement de ses origines ouvrières, le syndicalisme. Et le syndicalisme s'est constitué, on peut dire, beaucoup plus vite, car c'est en 1895 que la CGT est née. Or, quelle est la doctrine de la CGT? Eh bien, la CGT, elle est anti-parlementaire. Elle ne s'occupe pas des élections, ça ne l'intéresse pas. Mais elle est politique, car elle a son propre socialisme. Comment y arriver? Par la grève générale, et non pas du tout par des élections. Et ce sera définitif. En 1906, la CGT produit, vote la charte d'Amiens, qui consacre l'indépendance du syndicalisme par rapport au parti. Et c'est pourquoi, en France, nous n'aurons jamais de social-démocratie. Puisque la social-démocratie, c'est évidemment l'alliance, voire la fusion, entre le syndicat, le parti, et tout ce qui tourne autour. En France, il y aura séparation des deux mouvements socialistes. Il y aura donc deux socialistes. Et j'ajoute encore que en 1905, il y a beaucoup de députés, d'élus de toutes sortes, qui n'ont pas envie d'adhérer au parti de Jules Guesde, et on va les appeler les socialistes indépendants. Alors vous voyez la difficulté dans le cas français. d'une discipline de parti. Et Michel Vinoc, dans cette histoire que vous nous racontez, nous voyons bien comment, en ce début du XXe siècle, s'organisent les partis qui deviennent une évidence dans l'organisation de la vie politique. Au-delà des ligues qui demeurent anti-républicaines, y a-t-il des critiques sur ce système-là toujours? Celle que vous évoquiez en début, celle de Saint-Just, celle du 19e, en disant « la vie politique n'a pas besoin de partis politiques ». Oui, alors cette critique s'est considérablement atténuée, puisque de la gauche à la droite, on s'est organisé, on s'est structuré en partie. Notons bien que la structuration s'est faite d'abord à gauche, avec le Parti radical, les partis socialistes, le Parti républicain, parce que la droite traditionnelle, c'était évidemment un ensemble de citoyens, d'électeurs, de gens qui étaient respectueux de la hiérarchie, du prince, du prétendant, des grandes personnalités, et qui ne s'engageaient pas vraiment, n'avaient pas besoin de parti. Mais la vie moderne, la vie politique moderne, les a amenés évidemment à se structurer en parti. J'ai parlé tout à l'heure des premiers grands partis de droite, la Fédération républicaine, l'Alliance libérale, le Parti nationaliste, et ça continuera évidemment après la guerre. Oui, après la guerre, et justement dans l'entre-deux-guerres, on retrouve cette vie politique avec des partis, et notamment dans l'entre-deux-guerres avec un président, peut-être le plus grand président de notre histoire, il est là, Jean Gabin. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Et quelques profits à en tirer. Il y avait des places à prendre. Le devoir de la France était de les occuper, pour y trouver de nouveaux débouchés pour son industrie, un champ d'expérience pour ses armes. Et une école d'énergie pour ses soldats, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Voilà, Jean Gabin, président du Conseil dans le film d'Henri Verneuil. Voilà, les partis ne sont devenus que des syndicats d'intérêt. C'est très intéressant cette formule-là, parce que c'est cette critique récurrente sur les partis politiques. Oui, mais d'un autre côté, il y a une grande différence entre l'Angleterre, le Royaume-Uni qui est à l'origine du système représentatif, du Parlement, etc., et le cas français. Car en Angleterre, on admet fort bien que les partis existent pour défendre des intérêts. Le parti travailliste qui défend les intérêts des travailleurs, etc. En France, non, n'est-ce pas, c'est... Intellectuellement, idéologiquement, les partis ne sont pas là pour défendre des intérêts particuliers. Ils se placent du point de vue de l'universel. Alors, bien entendu, ça c'est l'idéal. En fait, les lobbies ont toujours existé. Il y a eu, par exemple, là, dans le débat que nous avons entendu, qui fait penser au grand débat entre Jules Ferry et Georges Clemenceau sur la question coloniale. En 1885, il est certain que pour la colonisation, vous aviez ce qu'on a appelé, avec des guillemets, un parti colonial. Ce parti colonial, il est fait de gens, d'hommes d'affaires, de gens qui sont dans la marine, des gens qui, ou encore des géographes, la société de géographie. Enfin bref, les partis sont l'objet, évidemment, de pression. Les groupes de pression, qu'on appelle ailleurs des lobbies. Ça a toujours existé. Et naturellement, la presse peut dénoncer cette influence des partis. Ça fait partie de la vie politique, précisément. C'est joli, m'ont dit d'ailleurs Michel Vinoc, ça fait partie de la vie politique, ce mot parti, qui est celui de lobby au 19e siècle, le parti colonial, vous l'avez rappelé, avec cette construction des partis. Quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, mais très loin dans le temps, cette idée d'être au-dessus des partis, cette idée d'union. En fait, c'est une constante. La vie politique est faite de partis, Mais il faut toujours être au-dessus des partis. Exactement. C'est ainsi. Car n'oublions pas le précepte de Saint-Just, la volonté générale est indivisible, l'union fait la force, et les partis divisent. Et puis toujours au moment de se construire une opinion politique, au moment de l'élection même, il y a le secret. On n'est pas du même parti, vous comprenez ? France Culture. De quel parti êtes-vous ? Ça, je ne veux pas vous le dire. Ça, c'est un cachette. Le cours de l'histoire. Je ne le dirai pas. Il ne faut pas le dire, ça. Pourquoi ? Ni vous non plus. Pourquoi il ne faut pas le dire ? Il ne faut pas le dire. Xavier Mauduit. C'est un péché. Voilà, parce qu'à côté de cette vie politique organisée en partie, Michel Vinocq, il faut le rappeler aussi, nous ne sommes pas dans un pays où l'ensemble de l'électorat est affilié à un parti. Ça reste aussi une minorité de ceux qui votent. Certainement. Et voyez-vous, tout à l'heure, je faisais allusion à la coupure entre le Parti socialiste et le syndicalisme avant 1914. Eh bien, il y a des pays, les pays sociaux-démocrates, où vous avez automatiquement, quand vous êtes syndiqué, vous appartenez au Parti social-démocrate. Oui, ça va de vers. Bon, en France, non, il y a d'abord le taux de syndicalisation est extrêmement faible. Et en plus, encore une fois, l'histoire du syndicalisme français, ça a été d'être farouchement indépendant. Sauf à un moment de la CGT, l'histoire de la CGT, qui a été liée au Parti communiste, entre 1945, disons 46, et 1900, je ne sais plus quand, enfin on peut dater différemment. Et là, il y a eu un moment, on pourrait presque dire paradoxalement, de social-démocratie. C'est le Parti communiste qui a été le plus social-démocrate, non pas par les idées, évidemment, mais par la structure, sociologiquement. Passionnant en tout cas de vous écouter, Michel Vinocq, et nous retenons bien ça, hein, depuis Saint-Just, des réflexions sur la notion de parti qui nous conduisent aujourd'hui, avec des réflexions, je ne dis pas similaires, mais qui sont héritières de cette longue histoire. Michel Vinocq, je voudrais juste évoquer l'invention de la démocratie, hein, c'est l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Serge Bernstein aux éditions du Seuil, et puis Bienvenue au 21e siècle, votre journal 1996-2002 aux éditions Thierry Marchès, c'est vraiment ce regard de l'historien sur ce journal récent, mais qui a besoin d'histoire. Tout est histoire. Merci vivement, Michel Vinocq. Et on retrouve tout de suite Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Les référendums sont-ils un progrès ou une régression de la démocratie ? En droit, un référendum est une élection qui sollicite le peuple pour répondre à une question posée par le pouvoir politique. En France, ce terme s'est imposé au XXe siècle, au détriment du mot « plébiscite ». Pourtant, la différence entre les deux n'est pas toujours évidente. « Plébiscite » vient du latin « plebiscitum », de « plebs » qui signifie « peuple » et « citum » qui signifie « décision » ou « décret ». Dans la République romaine, les plébiscites étaient des instruments réellement démocratiques qui visaient à consulter le peuple quand le pouvoir devait prendre une décision importante. Ils étaient proposés par les tribuns de la plèbe, des magistrats élus pour une durée d'un an par la plèbe, terme qui désignait la partie des citoyens romains dont étaient exclus les patriciens, c'est-à-dire les membres de la classe supérieure. Dans la France d'aujourd'hui, aucun leader politique n'oserait proposer un plébiscite, car le terme a perdu ses connotations démocratiques. Napoléon III peut être considéré comme le principal responsable de ce discrédit car il a organisé au cours de son règne 5 plébiscites pour légitimer sa politique autoritaire. Lors du plébiscite qui a eu lieu les 21 et 22 novembre 1852, les électeurs, à l'époque uniquement les hommes de plus de 21 ans, furent invités à répondre par oui ou par non à la question suivante. Le peuple veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le Senatus Consulte du 7 novembre 1852. 96,86% des suffrages exprimés répondirent oui à cette question, soit 76,68% des inscrits. C'est ainsi que le peuple français approuva l'avènement du Second Empire. Ce précédent historique ancra l'idée qu'un plébiscite était une facette du césarisme. Sa principale fonction était de court-circuiter les instances représentatives pour établir un lien direct entre le chef de l'État et le peuple, en proposant aux citoyens de se prononcer non pas sur une politique, mais sur une personne. L'histoire montre néanmoins qu'il ne suffit pas de remplacer le mot plébiscite par le mot référendum pour échapper à ce risque. Le référendum sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République, qu'a organisé le général de Gaulle le 28 octobre 1962, fut approuvé par près de 60% des votants. Mais il fut dénoncé par ses opposants comme une forme de plébiscite ayant installé le régime présidentiel qui existe toujours aujourd'hui en France. Les critiques que l'on peut adresser au référendum tiennent d'abord au fait qu'il est toujours lié à l'agenda politique de ceux qui l'organisent, qui contrôlent son calendrier, ainsi que la formulation de la question posée. Par ailleurs, un référendum n'est pas une délibération, car la logique des réponses par oui ou par non ne laisse pas aux citoyens d'autre choix que d'accepter ou de rejeter ce qui leur est proposé. Ils sont ainsi privés de toute possibilité de discuter la question formulée par le pouvoir, seule manière d'infléchir la décision finale en la nuançant, en l'amendant ou en la complétant. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnay. Une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr où vous retrouvez aussi le pourquoi du comment de Gérard Noiriel ainsi que sur la formidable application Radio France. Les autorités occupantes ont décidé l'arrestation et le rassemblement d'un certain nombre de juifs étrangers. Ils étaient enfants quand la police française est venue les arrêter chez eux, avec leur famille, ce jeudi de juillet où il n'y avait pas école. Perrine Kervran. Désormais nonagénaires, ils n'ont pas oublié cette rafle du Veldiv et ils nous racontent ce crime organisé par l'État français et comment ils y ont survécu. On frappe à la porte chez mes grands-parents avec une grande violence. Ouvrez, police. Les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. La rafle du Veldiv, un crime français, par Alain Lefkovitch, LSD, la série documentaire. 8 épisodes déjà disponibles sur franceculture.fr et l'appli Radio France, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah.